donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut à toutes et à tous, c'est Eric, bienvenue sur l'antenne de RIG et la radio de Junaïd, RIG 90.7 sur Bordeaux et RIGFM.fr si vous l'écoutez cette émission via Internet. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle émission et c'est une émission, on va dire, c'est un best-of. Hein. Je vais vous faire je vais présenter la rétrospective de la saison 2020-2021 qui regroupe en gros 35 émissions. Non, je n'ai pas compté celle-là, celle-ci c'est la 462e, je n'ai pas compté celle-ci dans les 35 émissions. Johnny 2 à Z durant cette saison 2020-2021. Il y a eu 13 émissions sur 13 albums de la semaine. 13 albums de la semaine. 10 émissions live, dont 5 émissions spéciales bootlegs. Et aussi également 12 émissions thématiques, c'est-à-dire des émissions sur les émissions de télévision, sur les versions originales, versions françaises, les inédits, aussi le cinéma. Et on va retrouver tout ça lors de ce petit best-of de l'année 2020-2021. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêt à écouter? Thierry me fait signe que n'oubliez pas que la semaine suivante, le 23 juin, ce sera l'anniversaire de cette émission Johnny 2 à Z qui va fêter ses 20 ans. 20 ans de radio pour moi, 20 ans d'émission Johnny 2 à Z. Je rappelle également que Johnny 2 à Z, c'est la première émission radio hebdomadaire de France. Oui, c'est la première qui est née. Je n'en connais pas d'autres. Il y en a qui ont fleuri sur Internet et tout ça. Mais non, nous ici, RIG, c'est une radio. Voilà, avec une fréquence et en même temps, on émet sur Internet. Oui, Thierry, tu veux rajouter? N'oublie pas que pour tes 20 ans, je te cède mon horaire. Ça durera plus longtemps. Oh oui, c'est vrai aussi. 4 heures d'émission, on vous attendra. Il y aura aussi deux invités également, Jean-François Chenu ainsi que Frédéric Quinonero, qui sont des invités réguliers de cette émission Johnny 2 à Z. Êtes-vous prêts maintenant pour écouter cette rétrospective 2020-2021? On commençait par l'émission 427. C'était le 2 septembre 2020. Comme d'habitude, je fête l'émission, la rentrée de l'émission Johnny 2 à Z avec un live. Et il y avait plusieurs titres de live. Et j'ai retenu pour cette émission un petit medley rock'n'roll qui figurait sur RTL dans l'émission Sunday Rock. Bonne émission à toutes et à tous. Vous écoutez Johnny 2 à Z, ici et nulle part ailleurs. Elle embrasse et oui quand il faut voir. Mais elle habite au 37e étage. Le son serait en frottage. Le montage à 2, 3, 4 étages. 5, 6, 7, 8, 9 étages. Des choses toutes, je suis désolé. Encore à nous, très sauvé, crevé. Nous faisons l'amour, plutôt à l'autre jour.

Alors cette chanson a été chantée par Ringo Starr en 73 sur l'album Ringo. Oui. Your 16, You're Beautiful in Your Mind. Et est-ce qu'il existe d'autres versions de cette chanson-là de Johnny en français? Par exemple, il me semble qu'il y a Dick Rivers qui a dû la chanter, celle-là aussi, c'est possible. Jean-Luc Lahaye, non? Non, c'était juste comme ça. C'était juste comme ça. Merci pour ton intervention, Thierry. Tu reviens quand tu veux. Oui. La semaine suivante, je vous présentais l'album de la semaine qui était Rock'n'Roll Attitude. C'était le 16 septembre, émission numéro 429. Et en extrait, voici la version complète de Aimer Vivre. C'est écrit dans tes yeux quand tu parles de ta vie. C'est écrit dans tes rêves, dans tes moindres envies. Cette force qui te porte, j'en ai besoin aussi. C'est écrit quand tu danses, quand tu fermes les yeux. Rien n'a plus d'importance, rien de ce qu'on avoue. Si c'est ton programme est très très très chargé pour ce soir. Lors de l'émission de la 430, c'était le 30 septembre 2020, je présentais l'album de la semaine Insolitude, mais pas tout seul. J'avais deux invités avec moi, j'avais Jean-François Chenu et Jean-François Brieux. On va diffuser le titre La Solitude, Johnny qui parlait donc de ce titre-là dans l'émission de Jean-Bernard Hébé. Et juste après, écoutez la suite, écoutez un peu, souvenir de cette émission, la 430e. La Solitude, c'est le prochain combat. Qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un slow. C'est une chanson qui a été composée par le bassiste et le guitariste américain que tu as vu tout à l'heure, Bob... Angelo Fainaldi. Angelo Fainaldi et Bob Mayo. Bob Mayo. C'est le frère de Laporte. Qui sont venus dans l'enregistrement pour me proposer cette chanson et qui ont participé, si tu veux, à l'enregistrement. Mmh. Il y a, en guitare soliste temps, il y a Peter Frampton, il y a donc Angelo Bob à la guitare et à la basse, il y a Barry D'Souza à la batterie, et il y a les inévitables Jim Price et Bobby Keith et Jim Horn au cuivre. Poser une question toute bête, est-ce que ça te rassure d'avoir des noms aussi gros que ces gens-là quoi? C'est pas une question de nom, c'est une question d'abord que j'ai l'habitude d'enregistrer avec eux. Et la plupart des enregistrements, enfin normalement un enregistrement, comment ça se passe? Un chanteur vient dans une séance, il y a un chef d'orchestre qui a écrit des partitions avant, les musiciens s'installent, ils lisent la musique, on essaye deux, trois fois et puis on enregistre. Moi je ne travaille pas du tout comme ça, moi je travaille plutôt comme les groupes. C'est pour ça que j'emploie toujours des musiciens de groupe plutôt que des musiciens de séance. On va dans un studio, on a une chanson, une mélodie, ou ils en apportent une, ou moi j'en ai une, enfin bon, on se débrouille, on voit ce qu'on a comme matériel, et on commence à enregistrer. On fait les bases rythmiques, on recommence, ça dure peut-être des fois une semaine, des fois ça dure deux jours, des fois ça dure une heure, ça dépend. Et ensuite, quand on a fini les bases rythmiques, on rajoute instrument par instrument, c'est-à-dire... quand on a fini les bases rythmiques, il y a Jim Price, enfin tous les cuivres qui viennent, et eux, ils se mettent dans un coin pendant une heure, ils écoutent la bande et ils commencent à trouver des riffs. Ensuite, les chœurs, c'est pareil, mais rien n'est écrit. On fait tout comme ça. C'est pour ça qu'on voit toujours ce genre de musiciens-là, et puis ça va beaucoup plus vite aussi. Et puis ils ont le son, et puis ils m'entendent bien avec eux, et puis c'est des copains. We'll be right back. sur Érigé, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir, l'émission Johnny de A à Z. Aujourd'hui, on parle de l'album Insolitude, l'album préféré de Jean-François Chenu et aussi un dans le top 5 de Jean-François Brieux. Oui, je pense, oui, c'est vrai. On voulait parler de quoi? Parce qu'on parle aussi en même temps hors antenne et puis après, on a peur de répéter les mêmes choses ou. Si on suit le fil conducteur de ce que tu nous as donné, on va parler de Moraya. Oui, Moraya. Qui est le deuxième titre composé par Gary Wright. On voulait passer un petit extrait, au moins, on va peut-être passer un extrait de Doc Holliday, de Wiz Khalifa. On peut le faire en fond, hein. Oui, ça donne une idée, oui. On peut le passer, après, on peut passer un petit fort, après, on peut parler par-dessus. On t'écoute. Déjà, c'est John Carreño, hein, le chanteur, hein, qui joue. Franck Carreño. Pardon, Franck Carreño. Ah, déjà sur les premières notes, j'ai tendance à penser que c'est pas lui qui va gagner sur ce coup-là. Alors ça, par contre, le titre date de 1972, celui-là. On joue pas dans la même division là. Non. Hein, on était dans la Champions League, là on est descendu en national. Là. Il a une bonne voix pour faire guitariste. Voilà. Ça n'a rien à voir. Bah, c'est intéressant parce que ça montre ce que c'est qu'un interprète. Exactement. De rien. Et c'est marrant ça parce qu'on dirait une démo quoi. C'est vrai. Pour permettre à Johnny de poser sa voix. Ça me fait penser aux maquettes de Mickey Jones et Tommy Brown. Oui, c'est ça, exactement. Qu'on a entendu sur 69, tu vois. Où la voix est un peu on va dire. Mais Tommy, qui est un grand batteur, n'était pas un grand chanteur. Non plus. Oui. Oui, parce que Tommy a repris les titres comme Gentle Sarah sur son album. C'est à sa façon à lui. C'est ça. Ouais. Allez, on passe. On a écouté la démo. Hein. Voilà. La démo de... Revenons aux choses sérieuses. Amen. Voilà, le mot de Jean-François Brieux, amen, voilà, ainsi soit-il aussi. Si vous n'avez pas assisté ou écouté cette émission pendant un an, eh bien ce soir je vous propose d'écouter un petit best-of, la rétrospective donc de l'émission Johnny de A à Z de la saison 2020-2021. Nous sommes à présent le 7 octobre, voici l'émission numéro 431. Nous étions le premier mercredi du mois d'octobre, donc évidemment émission live. Je vous propose d'écouter en extrait « Ça ne change pas un homme ». Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Parc des Princes, 1993, le 18 juin. Je n'ai pas cru les mots quand ils étaient trop beaux. Je n'ai pas pris les clés, je n'ai rien refermé. Mais je les ai usés, ces chemins buissonniers, au mûrier de béton, le nez dans le goudron. Oui, j'ai grandi dans la rue, avec au bout des poings des tessons de refus plantés dans mon destin. Pour n'avoir rien voulu, je n'ai rien retenu. Pour n'avoir rien touché, je n'ai rien refermé. Ça ne change pas un homme ne s'habille. Ça ne meurt pas un homme ne s'assouplie. Ça ne change pas un homme. Ça ne meurt pas un homme. Je n'ai pas pu l'ami, ni l'amour, ni les filles. Je n'ai pas pris le temps, je m'attendais devant. Et je les ai brûlés, mes châteaux de papier. Avec de vrais serpents, avec de faux semblants. Ça ne change pas un homme, ça vit. meurt pas d'homme, un homme ça s'oublie. Ça ne change pas d'homme, un homme ça vieillit. Ça ne meurt pas d'homme. Pour n'avoir jamais crié, je n'ai jamais vécu. Pour n'avoir jamais su, mon père, je te salue. Ça ne change pas d'homme. Un homme ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme. Un homme ça s'oublie. Ça ne change pas un homme. Un homme ça présent, on va jumeler deux émissions, Les Inédits, la 432 du 21 octobre et l'American Dream de la 433 du 28 octobre. American Dream, c'était sur l'album et puis voilà, c'est une bonne question. Ça y est, j'ai un trou de mémoire sur la tournée American Journey et puis en même temps ce sont Trip Road et en même temps dans l'émission Les Inédits, je diffusais le titre Deux sortes d'hommes. On les associe toutes les émissions, ces deux émissions là et donc ce sera enchaîné. Voici un extrait du film À nos promesses. Mexican Hat. C'était le coffret Un rêve américain. Ça y est, ça m'est revenu. Mexican Hat. Qu'on découvre. Surtout, c'est pas un truc de malade. Surtout, c'est pas une ville, c'est deux motels, une station essence. Ah, mais une station service, c'est pas une station service, les gars, c'est le bon marché. C'est la merveille de la station service. Moi, j'y ai passé trois quarts d'heure. C'est la merveille de la station service, celui-là. Ouais, y a rien, c'est un passage. T'es genre à 20 bornes, 20 miles de Monument de Vallée. Mais t'es au bord de ce canyon. Il y a un truc. Et je crois que Johnny, ça lui a vachement plu. Visuellement, bah, ça nous a tous vachement plu, hein, en vrai. T'as le canyon, t'as la rivière qui coule en dessous. Enfin, c'est. Il y a une piscine, coucher de soleil. Enfin, c'est très beau. Il y a une piscine, je me rappelle la piscine. Il y a une piscine. Avec des palmiers en plastique. C'est super. Ah, ça va être cool, ça. Écoute, en plus, t'as vu avec ce paysage. Regarde ça. Ah, ouais, c'est pas vraiment. Regarde ça. Regarde. Regarde le paysage. Ah, au lieu de me regarder moi. On a tous un rendez-vous, un destin à l'identique, un soleil entre chien et loup pour nous donner la réplique.

prince un prétentieux. Version de Autoportrait dans un concert que Johnny avait donné le 3 décembre 2011 au premier étage de la Tour Eiffel. À présent, je vous proposais donc l'émission 439, c'était le 9 décembre. Je faisais une petite rétrospective de l'année 2020 avec toutes les sorties qui avaient été chez Universal, chez Warner et en même temps aussi chez, oui, toujours chez Universal parce que Daniel Balavoine était chez Universal. J'avais diffusé, pas en primeur, hein, mais un peu de temps après, donc la chanson, le duo virtuel Johnny Hallyday et Daniel Balavoine qui est apparu dans l'intégrale de Daniel Balavoine. Je ne suis pas un héros. On écoute ça tout de suite dans l'émission Johnny de A à Z sur RIG. Ce soir, c'est la rétrospective ou le best-of, si vous voulez, de la saison 2020-2021. Écoute de poing dans l'âme, le froid de la lame qui court. Chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Quand je monte sur scène, comme on prend le dernier train. Même les soirs de drame, oui, il faut trouver la flamme qui brûle, oui, pour toucher les femmes qui me tendent les mains. Oui, qui me crie qu'elle m'aime et dont je ne sais rien. Je ne suis pas un héros. Et pour pas me coller à la peau, je ne suis pas un héros. sait qu'elles rêvent, mais ça leur fait du bien. À coups de pied dans l'âme, j'ai trouvé la trame qu'il me faut. Pour mourir célèbre, il ne faut rien l'emporter. Que ce que les autres n'ont pas voulu garder. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Le 6 janvier 2021, je vais vous présenter pour fêter la nouvelle année dans l'émission 441, les années 90, qui était en deux volumes, hein, voilà. Et on va revenir sur l'émission Sacrée Soirée du 15 avril 1992 et les retrouvailles de Johnny Hallyday et de Joey Grogu avec Bobby Clark également. On va jouer un petit jeu, tu veux bien, Johnny? Peut-être que Lee et Charles vont pouvoir t'aider. Je vais te faire écouter des musiciens qui sont là derrière, et on va voir si tu reconnais les musiciens, ne serait-ce qu'à leur façon de jouer. Il y a... Ah bah tiens, messieurs, s'il vous plaît, allez-y, on va. Allez-y. Jump and shout.

malgré tout, après le mal qu'elle m'a fait. Sur ma vie, c'est vrai, je à présent, c'était le 3 février 2021. Je vais vous présenter une sorte de best-of sur Bercy en deux numéros. Hein. Et là, c'était l'émission 445. Et en extrait, je vous propose d'écouter J'ai tout donné, la version du 18 septembre 1992. Toujours prêt à bondir. mais je suis en laisse. J'ai plus de nom, j'ai peu d'amis, c'est son adresse. Quand j'ai ni aucune limite, il n'y a la peine, il n'y a la fin. J'ai choisi d'exister, choisi de vivre et de rester, et d'être libre et puis d'aimer et d'avancer. L'émission de Johnny de la Z sur RIG, je vous propose d'écouter et de revivre la saison 2020-2021 avec une petite rétrospective. Et cette fois-ci, nous présenter le 10 février 2021 l'album de la semaine Rêve et Amour. Voici en extrait le titre Non, ne me dis pas adieu. On dit souvent qu'après la pluie vient le soleil. Non, ne me dis pas.

C'est pas donné votre truc. Non, mais si tu avais fait un lancement classique, ça aurait coûté 10 fois plus cher. Et t'aurais pas eu les premières pages et le journal télévisé. Alors, c'est bon la reconversion? Ouais, c'est bon, c'est bon. Moi, il me faut un peu de temps. Il y a des méthodes que je connais pas. Et je commence à me faire vieux. Cela dit, il est vraisemblable que... c'est la solution d'avenir. Voilà. Le 24 février, l'album Lorada était à l'honneur en tant qu'album de la semaine. Et voici le titre que je propose, Lady Lucille. Sur RG dans l'émission Jolie de la Z. J'entendais pas la porte. J'entends les cris de la foule. Les battements de cœur emportent. Mais forcément, ton qui s'écoule. Oui, à quoi ça sert? Si trop souvent je t'appelle, si tu te lasses de moi, si parfois je suis infidèle, je n'ai jamais aimé que toi. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Eh bien, on continue. On poursuit dans ce Lorada. Là, c'est le Lorada Tour. On va y arriver. C'était lors de l'émission du 3 mars, l'émission numéro 449. Je vous présentais la seconde partie de Bercy, l'ultime best-of de Bercy. Le chanteur du monde s'appelle Johnny. Très choisi, c'est Le Feu de Bercy 1995. Thank you. Johnny Hallyday, merci, ici sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Et ce soir, je vous retrace Le Feu et Wallace. Je vous présente ce soir la rétrospective de la saison 2020-2021. Certes, il reste encore deux émissions. On va fêter dans deux semaines, en fait, les 20 ans de l'émission Johnny de A à Z. Et après, nous aurons une petite surprise pour la dernière émission de la saison. En présent, nous étions le 10 mars 2021, toujours à la radio, bien sûr, RIG. C'était l'album Ma Vérité qui était à l'honneur également dans l'émission numéro 450 et en titre, en extrait, hein, voici Ma Vérité. On me dit que la vie n'est rien qu'un aller sans retour. On me dit que c'est pour mon bien qu'il faut bien s'arrêter un jour. Je n'ai fait semblant de rien, je me suis sali ma liberté et pouvoir dire ma vérité. J'ai frôlé la mort, trouvé l'amour et elle ne peut plus m'arriver. J'ai trouvé la force des premiers jours, je n'ai plus rien à prouver. Tout peut s'oublier mais pas la liberté. Encore 11 émissions à vous proposer pour cette émission rétrospective de la saison 2020-2021. Nous en sommes à l'émission numéro 451. C'était le 17 mars 2021. Et je vous proposais, c'était inédit, c'était la première fois que je présentais ça, les versions étrangères et les versions françaises. C'est-à-dire que je pars à partir d'une base orchestre identique d'une version anglaise, d'une version espagnole, d'une version allemande avec, et je l'ai mélangé, je l'ai mixé avec la version française. Et bien, par exemple, ça donnait sur la chanson La loi du silence mixée à Parole al Silencio, ça donnait ça. Volero tra queste mura che circondano solo me, un secondo eterno senza te. La culture, assez noir pour tout avenir, et des yeux qui ne

Qu'est-ce que t'aimes bien, toi, par exemple? Bah, tout. Moi, je suis pas difficile, tu sais bien. Moi, vraiment, en plus, c'est pas très, je trouve que c'est pas très gastronomique, chinois. Ah, quand même, ça dépend, hein. Les canards laqués et tout ça, ça peut être fin. Écoute, vraiment, je t'emmène où tu veux. Bah, justement, où, tiens, dis-moi. Mais où tu veux, j'en sais rien, moi, où tu veux, vraiment, tu choisis l'endroit que tu veux. Mais non, mais donne-moi une idée d'endroit, comment veux-tu que je m'y retrouve? J'en sais rien, moi, tu veux un restaurant de spécialité? Ça y est! Bon, bah, je te dois, bon, donc, un bon repas dans un bon restaurant, ça te va? Merci, Johnny! Le 31 mars 2021, je vais vous présenter l'album de la semaine Mon pays, c'est l'amour. Et pour cette occasion, voici un document que j'ai retrouvé il y a pas longtemps. Je savais qu'il existait, mais je l'avais pas récupéré pour l'émission en question. C'était Bertrand Lamblot qui parlait lors de l'émission des Nocturnes de Georges Lang sur RTL. C'était le 11 novembre 2018. Bertrand Lamblot parle de Johnny et après on enchaînera avec le titre Mon pays, c'est l'amour. Incroyable, on a déjà tellement parlé de cette voix exceptionnelle que Johnny a pu enregistré dans ce studio alors qu'il était malade. On va pas revenir là-dessus, on a déjà tout dit, mais c'est quand même incroyable cette force, cette énergie dans cette voix avec ce grain qui lui fait chanter le rock comme jamais, quoi. Tu étais en studio avec lui, tu as été surpris, non, aussi, toi? Ça restera définitivement les plus belles séances de voix que j'ai faites avec lui en 17 ans. C'était absolument incroyable, ça l'aurait été dans l'absolu et ça l'était encore plus dans les circonstances qu'on vivait. D'autant plus qu'il n'a jamais fait peser pendant les séances d'enregistrement, il n'y a pas eu de nuage noir au-dessus de nos têtes. On avait vraiment le sentiment d'être en train de faire l'album d'un homme vivant. Il voulait partir en tournée. Il voulait partir en tournée jusqu'au mois de novembre. La dernière fois j'ai pu le voir et on reparlait de ça. Donc ça, pour quelqu'un qui fait mon métier, c'était déjà une chance absolument incroyable d'avoir pu travailler avec lui. Et ses séances en particulier étaient vraiment épatantes, quoi. Il arrivait extrêmement préparé avec toute cette énergie et on faisait 2-3 prises. Et puis voilà, quoi. Donc ils sont vraiment remarquablement bien, ouais. Enfin, particulièrement remarquablement bien sur ces... Mon pays, c'est l'amour. C'est le nom de l'album et c'est le nom de cette chanson qu'on entend souvent sur les antennes de radio, notamment RTL. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette chanson? Cette chanson, c'est la petite sœur de Bedin Rock'n'Roll. Elle n'aurait pas existé si on n'avait pas trouvé l'adaptation de Bedin Rock'n'Roll. Je dis on avec Yodelis, parce qu'on s'est dit que le seul rock'n'roll qu'on avait à ce moment-là était Made in Rock'n'Roll, qu'il lui fallait donc une petite sœur. Et puis j'ai repioché dans des textes que j'avais, je suis retombé sur ce texte formidable de Katia Andreas. Et quand on allait au studio avec Maxime Yodelis pour les séances d'enregistrement avec le groupe américain qu'on avait constitué, on écoutait beaucoup Creedence Clearwater Revival dans la voiture, qui est un groupe que Johnny adorait. Ah oui, John Fogerty. Et en fait, on s'est un peu servi de Traveling Ben, oui, comme d'un guide pour cette chanson. Et Maxime a composé la chanson en 5 minutes un soir après les séances, au dernier moment, il nous restait une journée avec les musiciens et on l'a enregistré en une prise. Voilà. En écoutant ça, j'avais pensé à Betty Lou's Getting Out Tonight, qui est une chanson de Bob Seger qui avait enregistré Johnny Montillo. C'est un peu dans cette veine-là, quoi. Oui, c'est vrai que Made in Rock'n'Roll, ça revient un petit peu au fait qu'il adaptait des chansons dans les années 60, des titres américains principalement. Et il y a dans Mon Pays c'est l'amour, il y a effectivement on dirait vraiment une chanson comme il aurait pu en chanter quand il a commencé à faire des disques à 17-18 ans, et il chante ça avec une énergie juvénile qui est absolument... C'est mon plus beau souvenir avec lui. Cette séance de voix, ça restera mon plus beau souvenir ever avec Johnny Hallyday en studio. Bertrand Lamblou, qui était le directeur artistique de chez Warner jusqu'en 2018. Je viens d'un pays où je choisis de naître, un bout de paradis que tu connais. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Le 7 avril, je vais vous proposer à nouveau une troisième émission Bootlegs dans la saison 2020-2021. Et là, évidemment, un extrait, un incontournable de cette émission, Johnny de A à Z. Oui, on l'a écouté il n'y a pas longtemps que ça. C'était à Nîmes en 1988. Voici le petit medley Tom Dooley, Loving You et Voila Shaking Going On. Ici sur l'antenne de RIG, dans l'émission Johnny de A à Z. Ce soir, rétrospective 2020-2021.

Une vie stupide qu'on retrouvera prochainement dans l'émission Johnny de A à Z, ça c'est certain. Le 14 avril 2021, je vous proposais l'album de la semaine Drôle de métier dans l'émission 455 et j'avais mis quelques extraits donc de l'album, pratiquement tout l'album Drôle de métier et aussi en même temps l'émission Challenger présentée par Julien Lepers et on va écouter une version alternative de Blue Suede Shoes que Johnny chantait avec Carl Perkins. Pour sortir un disque de 10 chansons, par exemple, j'en enregistre 30 de chansons, et puis j'en jette 20. Sans doute que le jour où je mourrai, sans doute que ma maison de disque se sortira. C'est normal, ils ont payé pour ça, et ils les ont en réserve. Alors je pense qu'ils auraient une sacrée réserve pour le jour où je crèverai. Johnny et Carl Perkins, ensemble, enregistrent Blue Suede Shoes. It's one for the money, two for the show. You get ready now. Émission donc avec un album de la semaine le 21 avril 2021. C'était l'album Alléluia et puis donc je vous faisais écouter les versions originales et les versions adaptées par Johnny Hallyday. Voici la version originale de Va-t'en qui était chantée par Little Walter et s'intitulait My Babe. Blues sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. My baby, don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. Too little baby, my babe. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. Thank you. don't stand no cheating, my baby. Oh no, she don't stand no cheating, my baby. Oh no, she don't stand no cheating. Everything she do so pleasing, my baby. True little baby, my baby. My baby don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my baby. True little baby, she's my baby. True little baby, she's my baby. True little baby, she's my baby. Voici à présent la version adaptée par, ou du moins pour, Johnny Hallyday sous le titre Va-t'en, sur l'album Alléluia. Va-t'en, va-t'en, tu m'as compris, oui, va-t'en. Va-t'en, je n'en peux plus, je perds ma vie à t'aimer. Va-t'en, je préfère ça, va-t'en. Va-t'en, prends ta valise, va-t'en. Va-t'en, emporte-tu, mais va-t'en. Va-t'en, et je t'en prie, pas de sanglots ni de grands mots. Va-t'en, ça ne prend plus, oui, va-t'en. Va-t'en, je reste seul, oui, va-t'en. Va-t'en, mais dis-toi bien en partant. Va-t'en qu'avant demain, je vais trouver bien mieux que toi. Va-t'en, la porte là, oui, va-t'en. Va-t'en, tu m'as compris, oui, va-t'en. Va-t'en, je n'en peux plus, je perds ma vie à t'aimer. Va-t'en, je préfère ça, oui, va-t'en. Va-t'en, je préfère ça, oui, va-t'en. Allez, va-t'en. Je récidivais une semaine plus tard, donc le 28 avril, avec l'album de la semaine « Ça ne change pas un homme ». Je vais vous présenter quelques versions, les versions françaises de Johnny Hallyday et les versions originales. Tout comme l'extrait qu'on va écouter, il y aura un medley, en quelque sorte un mix, mais bon, c'est mal fait, hein, mais c'est uniquement pour la démonstration, pour l'émission de ce soir. « Amour facile » et puis « Dirty Love » du groupe « Thunder ». Partie par Johnny Hallyday et deuxième partie par le groupe Thunder. Tu t'es retourné, mais pas mal. c'est la version des Thunder en live. Yeah. Le 5 mai, je vous proposais une série de live en bootlegs. D'ici quelques secondes, on va retrouver John Hallyday à Saint-Étienne en 1995. Johnny en live. Mais... Vous savez que moi je viens, je vous aime. Vous savez que si je viens vous voir, je sais pas ce que je vous aime. Alors il y a toujours des PD dans un endroit. Qui envoie une salade pourrie, je ne sais pas pourquoi. Si vous pensez que j'ai fait un spectacle pourri, il faut me dire. Si vous pensez tous que j'ai fait un spectacle pourri, il faut me dire. Je fais ce que je peux. Mais est-ce que le PD qui envoie une salade, il est capable de venir ici? Tu seras pété jusqu'au bout de ta vie. C'est dans la vie, mon vieux. Faire les choses en noir, ce n'est pas terrible. Vaut mieux avoir des couilles et venir sur scène. Voilà. Encore un incontournable des potlegs dans cette émission Johnny de A à Z. Toujours, tout de suite, John Hallyday à Mont-de-Marsan, c'était le 8 juillet 1988. Avec l'envie, toujours. Et un problème technique. C'est le bordel, quoi. Comme on dit toujours, en France, s'il n'y avait pas de bordel, ce ne serait pas la France. Mais j'aime mon pays, hein. Je dis ça simplement parce que on est bien chez nous quand il y a le bordel. Alors je vais peut-être vous laisser 3 minutes. Non. Le temps. Non. Vous savez ce qui est terrible, c'est que on est supposé avoir le meilleur matériel et malgré ça, il y a le bordel. Et pourtant le matériel est américain. Yeah.

noir, c'est noir. Il n'est jamais trop tard. Pour moi, du gris, j'en veux plus dans ma vie. Oh non, ça me rend fou de perdre ton amour. Je te l'avoue. Maintenant, pour le sauver, à tout je suis prêt. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. C'était la semaine dernière, je vous proposais une troisième soirée Buttlegs avec Santa Lucia Heartbreak Hotel à l'hôtel des cœurs brisés. C'était à Nîmes le 29 novembre 1995. Ça va bien, bon ? On arrive à la fin de la 7e émission. Ouais, ouais. Will you slow do rock and roll? Vous avez envie de quoi là? Vous à Nîmes, vous avez envie de quoi? Schoolma erotica, l'astro d'argento, la sigla d'onda, a qua spero il vento. Venita la gire, I've been waiting long so I could die. This place, this place, this black. I've been so long and lonely. I've been so long and lonely. I've been so long so I've been so long so I could die. Alors j'avais écrit une version en française que je vais vous faire. Big Man, on est parti, j'ai trouvé un coin pour pleurer. En bas, au bout de la rue de l'hôtel. Et que oui, je me sens si seul, qui sait. Je me sens si seul. Oh, je me sens sans si seul que je pourrais mourir. Quelle arme du groupe sans cesse, le portier tout en noir. Sont restés si longtemps là-bas, on ne pourra plus jamais les revoir. Je me sens si seul. Je me sens si seul que je pourrais mourir. Ah I feel so lonesome, baby. I feel so lonesome. I feel so lonesome. Lonesome, I could die. Et on va terminer cette émission quelques secondes avec un titre que je n'ai pas encore diffusé. Je l'ai diffusé dans sa version Tipiak, mais je ne l'ai pas encore diffusé dans sa version officielle. Cet extrait du Bercy du 21 décembre 2003. Voilà, Shaking Going On. Johnny Hallyday, toujours sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Merci beaucoup. Mais de rien. Allez! Rock and roll! Rock and roll! J'aimerais rendre un petit hommage ce soir à quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'envie dans le rock and roll, Monsieur Jerry Lee Lewis. Un petit clin d'œil. Shaking going on. Come on over. Whole lot of shaking going on. I said it's time I love a baby. We've got a chicken in the bar. Time I love a baby. We've got a chicken in the bar. We're shaking. Whole lot of shaking going on. I said it's shake, baby, shake. Shake it, baby, shake it. I'm gonna shake it, baby, shake it. I said to shake it, baby, shake it. I said to come on over, baby. Come on, let's rock and roll. Chicken in a barn, who's barn? What's on my barn? Come on over, baby. We've got a chicken in a barn. We ain't shaking. A whole lot of shaking. Go now. I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. Come on, shake, baby, shake. Shake, baby, shake. I said, come on over, baby. Let's rock and roll. s'achève cette émission Johnny de A à Z avec cette fameuse rétrospective 2020-2021. Oui, la saison 2020-2021. En gros, un best-of de toute l'année. Tout ce que vous avez pu manquer et puis que vous, peut-être que vous auriez souhaité et entendre en direct. Et bien, il y a des podcasts pour ça à la rigueur. Et on se retrouve dans 15 jours pour la fameuse émission, les 20 ans de l'émission Johnny de A à Z. Oui, depuis sa création, oui. Elle a commencé sur TRG à l'époque et elle est en ce moment sur RIG. Merci encore à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission, d'avoir suivi cette émission. Et oui, merci aussi d'avoir veillé si tard. Ah, dans 15 jours, à très bientôt. Ciao, ciao.